je tourne en rond, parfois de l'œil. Est-ce qu'elle a parlé de moi? Est-ce qu'elle reviendra? De l'aube au soir, du soir au matin, je défile comme un nuage qu'on souffle dans le ciel. Et toi, tu attends l'atmosphère propice pour que je me brise et que je me brise. Et sur toi, ma belle et douce Maurie, qui dévore le printemps. Oui, mais comme le...